Je regarde ses saillies bosser, ils nous pondent au kilomètre des musiques et puis des textes plutôt pas mal lancés, plutôt pas mal agencés. Et puis le tout enrobé dans mes atouts séducteurs, de gentils riffs accrocheurs, de quoi c'est sûr bien plaire. À tout peu corps auditeur, je ne sais pas où tout cela finira, par nous conduire vers un mur ou un bien laideur, qui le sait, qui peut le dire. Et en attendant encore, je prends des pots. Je cherche une faille ou de bien, et j'emmène cette île électronique vers un avenir étrange. Et je suis pas tout seul dans cette course, effrénée au résultat incertain.